Avant de commencer ce micro ouvert, on s'écoute un extrait d'un reportage de Dila Taibi et Kevin Akar. On n'a pas l'argent, mais on a les gens. Solidarité ordinaire dans le 93 en France. Si vous, vous faisiez pas des masques, il y en a plein ici dans le quartier, dans la cité, qu'on n'aurait pas, quoi. On est à 700 masques qu'on fait. On a une commande, on en a fait 700. 700 depuis quand? Depuis le début? Oui, depuis le début. On n'a pas l'argent. Et ça fait combien? Ça fait un mois que vous en faites? Solidarité ordinaire. 700 masques. Et j'en fais le soir chez moi aussi des masques. J'en mène et je fais des masques chez moi pour ramener ici, pour aider les gens. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que le local associatif, l'atelier hein, clandestin de construction de masques, il est juste à côté d'une pharmacie. Et effectivement, là quand on regarde la pharmacie, devant il y a une boîte de 50 masques, 40 euros. Zouina ? Zouina Medour, habitante du quartier. Tu étais là en train de... de confectionner des masques. De manière... On est juste à côté, c'est incroyable ce décalage. Bah oui, c'est complètement incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à faire des masques, parce que dans les premiers temps, les masques étaient vendus à l'unité. Nous, on a entendu différents tarifs, c'était 8 euros, 9 euros, 15 euros. Et en fait, on s'est dit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on sait, nous, que la situation sociale des gens, elle est très grave. Parce que mine de rien, il y a des choses dont on ne parle pas, mais tous les gens qui sont en confinement, bah, du coup, ils n'ont plus de travail. Chômage partiel pour certains quand ils ont de la chance, fin des contrats pour la plupart, fin des aides. Et deuxième difficulté qui a une répercussion quand même importante, c'est qu'à partir du moment où on se retrouve avec tout le monde à la maison, du coup, on a besoin de confectionner plus de repas, et que dans le même temps, ce qui est quand même aussi inadmissible, c'est que dans la grande distribution, les prix ont triplé, et que du coup, les gens ne peuvent pas manger. Et en même temps, on a maintenu la grande distribution ouverte et les marchés sont fermés. Par exemple, ici, le vendredi, il y a un marché. Ah. Le marché, c'est l'endroit où tous les habitants des quartiers viennent acheter leurs fruits et leurs légumes. C'est le seul endroit qui leur reste pour pouvoir manger sainement, parce qu'on nous prend la tête tous les jours, manger 5 fruits et légumes pour votre santé alimentaire et compagnie. Et dans les faits, plus de marché. Donc du coup, c'est les grandes surfaces. Et dans les grandes surfaces, il faut regarder les tarifs, hein, c'est impossible. Ouais. Donc, si on ajoute ça à comment se protéger les masques, en fait, pour les gens, le choix il est vite fait. On mange d'abord, parce qu'il faut qu'on survive. Tiens, tiens, tiens. Là, on est avec Sofiane, qui est en train de remplir des caisses. Voilà. En fait, il faut savoir que nous, l'épicerie, ça fait plus de 5 ans qu'on fait l'épicerie solidaire. Ça fait plus de 5 ans qu'on fait cette épicerie. Et là, depuis la crise, on a une recrudescence des personnes qui se sont inscrites. On a doublé, voire triplé le... C'est-à-dire combien? Aujourd'hui, on est à peu près peut-être 80. 80 familles qui vont venir aujourd'hui. M. Salem! M. Salem! C'est bon, là. M. Salem. Et Sylvie, elle se prépare, Sylvie! Sylvie, Sylvie! Micro ouvert. Allô, allô, allô, allô, voilà. Donc, monsieur, la question que je pose, évidemment, c'est un peu fatal. Masque ou pas masque? Vous voyez, les gens, ils sortent. Bon, ben, là, il n'y a pas trop de monde, mais vous imaginez, dans des gens où il y a des grosses villes, on voit vraiment le décalage aujourd'hui entre des gens qui ont des masques et des gens qui n'ont pas de masque. Vous, vous n'avez pas de masque. Et j'avais envie de poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Comment vous racontez les choses sans masque? D'abord, je dirais que la lumière n'a pas été faite sur que la lumière n'a pas été faite sur ce point d'ailleurs, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan donc informationnel, je veux dire. Moi, je me limite à une chose. Je me dis toujours que c'est vrai qu'il faut être prudent, mais je ne crois pas que le port du masque va quand même réduire un peu la gravité de la chose, c'est-à-dire le taux de contagion. D'ailleurs, à mon avis, ça, cette affaire de Covid-19, je suis scientifique et je respecte bien sûr la science. Ça aussi entre l'amalgame et entre, je dirais, la manipulation politique, mais une manipulation politique d'un haut niveau, c'est-à-dire au niveau des superpuissances. il y a quelque chose qui se prépare. Donc le citoyen n'est pas mis au courant de la situation. Qu'est-ce qui se prépare ? Moi, à mon avis, c'est un conflit entre la Chine et les États-Unis. C'est un conflit de superpuissance, bien sûr, celui qui va guider le monde. Et la lumière, bien sûr, sera faite, mais après un certain temps. C'est une question. Ça, c'est plus, moi, je dirais que c'est plus grand que le commun des mortels. Les gens ont toujours été manipulés par les masses médias. Donc moi, je n'accepte pas d'être considéré, d'être classé parmi les brebis, comme on dit. Donc j'ai aussi ma capacité d'analyser tout ça. Et je me dis toujours, bon, c'est vrai qu'il y a un système immunitaire qui doit être fort. Il y a aussi des raisons de... Bien avant d'ailleurs le Covid, il faut toujours se laver les mains, question de propreté et tout ça. Mais en même temps, il faut aussi, moi je dirais, trouver un vaccin sur le plan culturel. C'est-à-dire les gens doivent être vaccinés sur le plan culturel. Ils doivent avoir une capacité d'analyse. Ils ne doivent pas directement aller chercher l'information au niveau des informations de 19h ou du 20h. Que ce soit en France ou... Les médias dominants, vous voulez dire ? Les médias dominants, voilà. C'est-à-dire les gens sont devenus une masse, une pâte à modeler facilement, donc on les oriente là où on veut. C'est dommage. Moi, je crois qu'il y a quand même, c'est un grand enjeu, ça. Il y a des choses qui se décident au niveau de l'Asie, donc au niveau de mer de Chine, au niveau de la dominance, donc... D'un conflit entre la Chine et les États-Unis pour dominer un peu le monde. Les États-Unis sont en perte de puissance, bien sûr, ils sont en chute libre, endettés. L'Europe n'a jamais été une entité politique indépendante, ça a toujours été une vieille dame suiveuse. Donc, ils n'ont jamais été leader, n'a pas de politique pour elle-même. Donc, ça a toujours été un nain politique. Donc, il ne faut rien s'attendre de ce côté-là de l'Europe. Comment vous informez ? Parce que moi, j'entends bien, hein, et c'est une vision qui est vachement géopolitique, du coup. Vous êtes plus ici, là, maintenant, vous regardez les choses vraiment de haut. Comment s'informer ? Parce que moi, en fait, je fais un micro, là, avec les gens, et pareil, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on est bien obligé d'entendre les informations et de dire... Bon, déjà, moi, je n'écoute pas certaines informations. Enfin, vous voyez, certaines... télé, j'écoute pas. Mais comment faire pour être éduqué, pour comprendre à quoi on joue, pour savoir s'il faut porter un masque ou pas, comment on fait ? Moi je parle général, c'est pas uniquement pour le masque, je parle d'une façon générale. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut d'abord s'instruire. Quand on dit s'instruire, c'est pas uniquement à l'université. Personnellement, je ne veux pas parler de moi, j'ai eu la chance d'aller donc, de faire des études très haut, de troisième cycle. Mais je veux dire qu'avant même ça, j'avais une capacité d'analyse, peut-être parce que mon père, parce que je suis originaire du Maroc, et parce que mon père était un détenu politique, et que moi-même, j'ai été détenu au Maroc. Voilà. Donc, j'ai une capacité d'analyse. Donc, je ne suis pas le type à qui on peut avaler n'importe quelle pilule. Donc, j'ai grandi dans un milieu syndicaliste. Ok, j'entends bien. Ça me rappelle un peu le milieu des politiciens, comme des gens de résistance, comme Jean Moulin en France, comme des résistants belges aussi, des grands résistants qui ont grandi dans... Des vrais nationalistes. C'est des gens vaccinés de naissance. Oui, mais du coup, à force d'être critique, hein, mais moi, je comprends bien. Oui. Hein, comment on fait pour regarder là, maintenant, il y a quelque chose qui, depuis 2 mois, qui se passe, qui est quand même grave, puisque l'économie, pas complètement, mais l'économie s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a quand même quelque chose de grave. Comment est-ce qu'on fait pour décoder cette actualité ? Pour pallier la situation, moi je veux dire une chose. Je crois que l'humanité en général, quand je dis l'humanité, c'est en général, que ce soit en Europe ou en Asie, tout ça. C'est vrai qu'en Europe et aux États-Unis, c'est dans une mesure le cas est plus grave. Pourquoi ? Parce que les gens ont été manipulés dès leur jeune âge. Par contre, en Chine, dans les pays du Moyen-Orient, vu la dictature et tout ça, les gens ont toujours eu cette capacité d'autocritique et d'analyse indépendante. On a toujours vécu avec l'esprit d'analyse et de conclusion. Donc, ce n'est pas uniquement de synthèse, mais un esprit d'analyse. Alors que l'Occident, les gens en Occident en général ici, les Européens, les Américains, ils ont un esprit d'analyse, de synthèse. Donc, ils regroupent les informations, ils sortent avec cette chaîne a dit ça. Donc, moi, ça d'abord. Deuxièmement, moi, je voudrais dire aussi que je ne crois pas que les citoyens actuellement ont le pouvoir de faire quelque chose, il va falloir reconstituer la société. Et quand je dis qu'il va falloir reconstituer la société, ça va prendre 40 ans, 50 ans. Parce que, excusez-moi de dire... Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire ça, il va falloir reconstituer la société? C'est-à-dire la société sur le plan culturel, sur le plan moral, sur le plan beaucoup de choses. Moral, quand je dis moral, ce n'est pas religieux, loin de là. Mais question de solidarité, question de vivre en société. Il faut repartir sur de nouveaux principes. Mais comment? De nouveaux principes. 40 ans, vous êtes comment dire, optimiste, hein? Non, mais pour constituer une société, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui, mais comment vous voyez la chose, quoi? Ça veut dire que... Expliquez-nous. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. Et ça, je ne crois pas qu'il est là. Jamais il n'y aura... Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a une volonté économique. Le politique ne gère plus, ne gouverne plus. Le politique, il gère. C'est l'État, c'est l'État économique. Ce sont les grandes sociétés, les Rothschild, les compagnies qui gèrent le monde actuellement. Les politiciens ne font qu'accompagner. Ce ne sont que des figurants. Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas le pouvoir. D'ailleurs, ils sont là par la volonté de ces gens-là. Il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas croire qu'il y a la démocratie. Alors, comment on fait alors pour changer la donne? Vous dites que ça ne viendra pas des politiques. Il faut une révolution culturelle, comme ça a été fait comme à l'époque de Mao Zedong. Moi, je ne suis pas communiste, mais il faut une révolution culturelle. La révolution culturelle peut se faire à l'occidental. C'est pour cela que je fais appel aux intellectuels du monde européen de réfléchir à cette situation. C'est pas une solution à laquelle on peut trouver une réponse réellement. Il faut qu'il y ait... Vous ne parlez que des intellectuels, il y a aussi les gens de la rue. Hein. Regardez, on est dans la rue ici. Quand je dis les intellectuels, ça veut dire les gens engagés. C'est pas uniquement les intellectuels, les gens engagés, les gens qui ont une volonté de faire quelque chose, qui ont la volonté de faire quelque chose. Moi, je ne parle pas des communs des mortels, des gens qui vont aller dormir, travailler, boire et manger. Ça, je ne crois pas qu'ils vont changer le monde. Vous croyez pas que ce sont des gens déçus qui se sont isolés parce qu'ils ne croient plus. Ils ont été peut-être qu'ils sont. Ce sont les gens. Moi, je dirais trahis par les politiciens, donc qui n'ont plus confiance. Ce sont des gens. Vous êtes d'accord que ces gens-là dont vous parlez, c'est eux qui ont continué à faire marcher l'économie en même temps. Hein. C'est les gens qui ont géré les poubelles, les gens qui ont continué à nettoyer les endroits. Donc, vous voyez. Ces gens-là, moi, je ne les critique pas. Je ne les critique pas, mais ils ont un rôle. C'est vrai que c'est grâce à eux que la société, que la vie continue. Ce n'est pas grâce aux politiciens, bien sûr, ni grâce aux grands industriels. Ah ben y a moyen de rassembler tout le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas. La société occidentale est trop divisée. C'est le matérialisme a atteint un certain niveau qu'on ne pense plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut une révolution culturelle. Il faut remettre en cause tout ce qui a été fait depuis 50, 60 ans en Europe. Je ne dis pas que remettre en cause sur le plan négatif, ça veut dire tout refuser. Non, loin de là. Il y a des choses positives. Moi, je dis qu'il faut se tourner vers les grands penseurs français, les grands philosophes, les grands sociologues français. Mais pourquoi français spécialement? Ben, français parce que dans votre pays, dans ton pays, il y a des figures aussi emblématiques, bien révolutionnaires aussi. Pourquoi? Dans le pays actuellement, moi je suis belge, mais d'origine arabe. Dans le pays actuellement, tous les gens penseurs et tout ça, ils sont en prison. Ça il faut le savoir. Ou alors en résidence surveillée. Moi je ne crois pas. Rien ne viendra du monde arabe. Le monde arabe actuellement, c'est un monde où... Ça, c'est une question pénible. C'est un monde où on essaye donc de mettre en exercice c'est la dictature, bien sûr. Mais on essaye de mettre en application, en exercice, une certaine politique diabolique des puissances occidentales, à savoir l'instauration de Daesh pour pouvoir diviser et extraire les ressources pétrolières et gazières de... Donc c'est pas uniquement quand je dis occidental, c'est pas le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique, parce que le pouvoir politique il fait l'affaire de son maître, de pouvoir politique, c'est lui qui détient le pouvoir. Alors, le réel pouvoir il est détenu par le politicien, par les économistes, par les hommes d'affaires. Oui, mais les politiques donnent la main aux économistes pour qu'ils puissent faire comme ils veulent. La voix de leur maître, ils font la voix de leur maître, c'est-à-dire ils appliquent une politique, la politique voulue. Mais allez, c'est une question. On revient au Covid. Oui. Comment? Donc vous ne portez pas de masque? Et comment vous regardez ceux qui portent des masques? Non. Pour moi, c'est une question de... Chacun est libre d'abord. D'abord, c'est le respect de l'individu. Je n'ai pas le droit de critiquer quelqu'un qui porte le masque, comme je n'ai pas le droit de critiquer quelqu'un qui ne porte pas le masque. Donc moi, je dis toujours, c'est un moment difficile. C'est un moment difficile. Il faut se solidariser. il faut respecter, il faut accepter les autres. Au contraire, c'est un exercice pour que les gens puissent vivre ensemble et puissent réfléchir autrement. Autrement comme ils avaient l'habitude de réfléchir auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Il faut dire qu'on avait l'habitude quand même d'être ensemble, de s'embrasser, de se donner des bisous. Maintenant, même avec des gens intimes, on est obligé. Moi, je trouve que on doit essayer de tirer le maximum du Covid-19 parce que ça va nous pousser à réfléchir et à trouver et à aller vers d'autres horizons sur le plan culturel, économique et tout ça. Mais je ne sais, là toujours, je ne sais pas si c'est les maîtres, parce que nous sommes que des esclaves. Hein. Il y a les maîtres qui dominent. Ils nous ont donné, nous sommes libres, nous avons soi-disant cet esprit de démocrate, cette pensée que nous sommes. Nous pensons toujours que nous sommes libres et démocrates, mais en fait nous sommes libres dans un rayon déterminé. Et il y a des points de démarcation, des lignes rouges. Une fois que vous dépassez ces lignes rouges, alors là, vous êtes sûr, vous allez avoir... Il y a le virus qui va s'abattre sur vous. Oui, ça, c'est dans nos pays, mais par exemple, dans d'autres pays, eux, c'est clairement... Eux, c'est clair. Dans d'autres pays, la situation est plus facile. Les lignes de démarcation, c'est tout. Il y a des couloirs. C'est-à-dire, vous avez le droit de marcher. Vous êtes l'obligation de marcher droit dans un couloir. Alors qu'ici, on marche dans un rayon. C'est un peu plus large, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Ben comme quoi, hein, c'est chouette, on a des fois de sortir de nos idées préconçues à propos de mon mari, ça c'est clair. Mais donc voilà, moi j'étais en face, hein, je vous ai dit, monsieur, vous descendez de votre moto et je vous demande, vous répondrez à une ou deux, trois questions, vous avez dit ok, quel sujet ? J'ai dit le masque et vous avez fait, là, mais comment ne pas se poser des questions ? C'est quand même énorme ce qui se passe, non ? Et donc vous ? Ah ouais, moi j'ai jamais connu ça. Hein. C'est la première fois que je connais. Ah ben moi non plus. Ni madame non plus. Non, je présume que non. Mais donc la question c'était de dire masque ou pas masque ? Parce que les gens, voilà, c'est très visible. Hein, on voit des gens qui portent des masques. Là, il se fait qu'on n'est pas trop beaucoup. Mais vous imaginez dans les grandes villes où il y a plein de gens, c'est très visible. Hein, on voit vraiment que. Vous voyez ça comment vous ? Je trouve qu'il est un peu tard. Il est franchement un peu tard, c'était il y a 3 mois qu'il fallait faire ça. Et je pense qu'il fallait prendre des mesures dès le départ. On était au courant de ce qui se passait en Chine et ainsi de suite, et on a attendu que ça arrive chez nous pour pouvoir commencer à se racasser. Non, je trouve qu'il est un peu tard. Maintenant, le masque, si ça peut aider, oui. Mais... Dans les trains, c'est pas mal. Dans les trains, c'est pas mal. De mettre un masque ? Parce que, évidemment, l'espace est plus confiné, les gens sont... Même s'ils gardent 1,50 m de distance, il y a quand même cette histoire de clim, de ventilation, etc. C'est pas l'idéal. Vous dites ça parce que vous travaillez. Hein, vous contrôlez ? Oui. Non. Pour l'instant, on passe pour la sécurité du train. Mais on ne passe pas au contrôle parce qu'on ne peut pas manipuler. Mais évidemment, tous les abonnements, les billets, etc. Donc c'est un contrôle visuel, mais à distance. Ok. Et vous êtes d'accord parce qu'à force de discuter comme ça avec les gens, moi je connais, j'ai pas la solution non plus, mais vous êtes d'accord qu'on est obligé pour s'informer d'écouter les médias ? Oh, je n'écoute rien du tout. Je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. On est très au courant par rapport à notre travail. Mon mari est conducteur, on est plus au courant par notre travail que par les médias. C'est toujours la même chose. Oui, mais vous avez l'air au courant qu'il y a le corona, par contre. Oui, bien sûr. on a reçu dès le départ. Moi, je travaillais, j'ai continué à travailler, même pendant le coronavirus. Vous faisiez quoi ? Je suis conducteur de train. D'accord. Et donc voilà, on a continué à travailler. Certes, avec certaines sécurités, désinfecter les postes et ainsi de suite. Mais bon, au départ, on ne mettait pas de masque. Hein. C'était pas obligatoire, c'était libre à chaque personne de prendre la décision de mettre son masque ou pas. Maintenant, c'est obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire dans les trains, dans les gares. Ah oui, mais vous, en tant que chauffeur ? Dans les postes de conduite, c'est compliqué. Je mets des lunettes, si je mets un masque, je vois plus rien, moi. Avec la buée, je vois plus rien. Mais donc, ok, vous ne regardez pas la télévision, moi non plus, mais ça n'empêche pas qu'on est en confinement. Ben, vous avez continué à travailler, vous aussi, du coup, alors ? Pardon ? Si vous avez continué à travailler. Oui. Et puis on a des enfants, donc évidemment on est au courant par la force des choses. Mais voilà. Je veux dire, on a vraiment arrêté de regarder la télévision. Ah, ça, voilà, c'est clairement vous avez stoppé. Pourquoi ? Voilà, on se tient au courant des choses importantes, comme des reprises scolaires et ce genre de choses. Mais sinon. Enfin voilà, c'est toujours la même chose, quoi. C'est pas ça qui fait avancer les choses. Rester 4 heures devant son écran pour aller faire la file chez Bricot à 9h le lendemain matin, je trouvais ça franchement ridicule, quoi. Donc on a changé notre vie aussi. Hein. On va plus faire les courses tous les jours. Tiens, il manque quelque chose. On fait des courses plus ciblées. On y va moins souvent. Et voilà, quoi. Si tout le monde fait ça, ben, je pense que ça peut aussi aider. Hein. Que d'aller tous les jours faire sa petite promenade au magasin, quoi. Mais comment vous avez réagi quand la nouvelle est tombée ? Moi, je n'étais pas étonné, moi. Je n'étais pas étonné. Ça fait longtemps que je pense que quelque chose va arriver. Parce que bon, voilà, les gens, on est passé dans une société de loisirs. Hein. Les gens ont besoin de partir en vacances et ainsi de suite. Il y a des gens qui travaillent dans les avions et ainsi de suite. Je dis pas le contraire, hein. Mais c'est une société de loisirs maintenant. Le travail, rester chez soi, c'est pas important. Il faut avoir beaucoup d'amis, et pas spécialement discuter avec eux, hein, mais beaucoup d'amis et faire beaucoup de choses, faire du sport et ainsi de suite. Mais pourquoi vous dites que ça vous étonne pas, il devait se passer quelque chose ? J'arrive pas bien à comprendre ce que vous voulez dire. Je ne saurais pas l'expliquer, c'est un ressenti, ça. Oui, mais par rapport à quoi ? Dans le monde dans lequel on est, j'entends bien. Déjà. Suite à la façon de vivre de la génération actuelle. Oui. C'est ce que vous expliquez un peu de voyager, de la société des loisirs. Quoi, vous trouvez ça quoi ? Ben, je sais pas, moi, je reste chez moi et je pars jamais en vacances. Moi, je reste en Belgique et voilà. Je suis peut-être un peu sectaire, mais je vois pas bien ce que le Mexique pourrait m'apporter en tout cas. Oui, mais là, c'est toujours chiant parce que je dois donner aussi du coup. Mais oui, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais ce serait intéressant de développer pourquoi. Parce que aller voir une culture, la culture de l'autre, ou c'est ce qu'on va vous mettre en avant, évidemment. C'est rencontrer des gens qui pensent pas forcément de la même manière, etc. Est-ce que c'est mal ça ? Ben non. Non, mais bon, je veux dire. Je n'ai pas fait une généralité, mais on va dire 60% des gens qui partent en vacances, ce n'est pas pour aller découvrir le petit autochtone, le petit artisan. Hein. C'est pour rester à la piscine et sur la plage, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Ou alors, c'est que je ne comprends rien à la vie. Alors, hein. Mais non, je ne saurais pas dire pourquoi je l'ai ressenti. Je ne saurais pas dire, c'est un ressenti. Oui, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne peut pas... Comment dire ? Qui ne tourne pas rond, quoi. Il y a peut-être... C'est ça aussi, non ? C'est... Vous qui conduisez des trains. Non, ça, je vais pas m'étendre sur les trains. C'est une blague, hein. C'est pour dire que le... Oui, mais c'est trop vite, trop loin, trop de personnes, c'est trop. On est dans une société de trop maintenant. Enfin, pas trop de gens, hein, je dis pas ça. Hein. Loin de moi l'idée de dire ça, mais de trop. On a envie de trop, il faut que ça aille vite, il faut avoir tout, non. Et il y a bien un moment où il va y avoir un couac. Voilà. Et donc vous, après j'arrête, comme ça vous vous retrouvez aussi. Mais quoi, donc du coup, quand vous apprenez la nouvelle de ce virus, vous ne le remettez pas en cause, il y a bien un virus, mais on vit autrement et on éteint la télévision, quoi. Oui, ben, la télévision, ça fait longtemps qu'on ne la regarde plus, hein, mais vivre autrement, oui et non. On ne fait pas grand-chose. On bouge pas des masses, nous. À part aller boire un verre, on ne fait pas grand-chose. Hein. Faire les courses, voilà. On fait pas... Ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Oui, voilà, ça ne va pas changer quelque chose pour vous, mais de dire on ne fait pas grand-chose, c'est comme si vous étiez des pauvres gens aussi. On ne s'est pas senti enfermé. Au contraire, on a plus profité de ne pas devoir courir à gauche, à droite, l'école, les activités des enfants. On a plus pris le temps de rester vraiment à la maison. Quoi. Si je comprends bien, vous aviez déjà une vie intérieure animé, quoi. Vous n'êtes pas retrouvé comme ça d'un coup. C'est ça que vous voulez dire aussi. À part aller chez les voisins, on fait pas. Voilà. On voit nos voisins de loin, mais c'est tout. Donc maintenant, aller dans un mois, on pourra se revoir et aller boire un verre avec eux. Voilà. Vous avez un masque cousu, hein, fait maison. Quelle couleur c'est ça ? Fuchsia. Fuchsia, voilà. Et expliquez-nous alors, parce que donc moi, je vous avez bien compris, enfin non, vous avez peut-être pas compris, mais moi je fais un peu la rue, je rencontre les gens pour savoir ce qu'ils pensent un peu de tout ça. Oui. Mais écoutez, c'est la première fois que vous êtes à la gare de Namur ici, hein, donc c'est la première fois que je fais le trajet de Daywai à Namur, qui a été très rapide au demeurant. Et alors je trouve que c'est très intéressant d'avoir un masque parce que c'est une barrière supplémentaire, comme on nous l'a dit depuis le départ. Ça ne coûte rien, à part le masque, qui est souvent... Il faut savoir le faire quand même. Hein. Le payer, vous voulez dire. Ah, vous avez payé un... Non, moi c'est une bénévole qui me l'a fait, mais il devrait être gratuit pour tout le monde, ça c'est clair. Mais nous en avons reçu, dans ma commune, nous avons reçu deux masques. Mais quoi, alors, moi ma question c'est vraiment de dire... Comment est-ce que vous vous informez ? Comment est-ce que vous comprenez ce qui se passe, en fait ? Par quel biais ? Par la télévision, la radio. Je suis ce que les scientifiques disent. Quoi, donc vous les croyez ? Les scientifiques. Vous remettez rien en doute ? Les scientifiques, les docteurs, non. En principe, le reste ? Le reste ? Les politiciens, j'ai des doutes. Mais ça, c'est l'intérêt économique avant l'intérêt social. Donc, moi, je suis très touchée par les gens qui sont dans la rue, voyageant beaucoup, donc ça m'interpelle beaucoup. Mais voilà, qu'on porte un masque, tous, et qu'on ne dise pas « vous pouvez, vous ne pouvez pas », etc. Tous le masque en sortant, un temps, et puis après, on reviendra sûrement dans quelques mois à une vie plus normale. Oui, donc si vous étiez au pouvoir, vous proposeriez... Vous imposeriez le masque pour tout le monde ? Oui. Ah oui ? Ben, je sais pas, parce que moi, je discute avec les gens. Il y a des gens, c'est pas si simple que ça. Ils croient pas forcément, ou ils l'ont dans la poche, ou ils le portent à moitié. Ou... Moi, je ne le porte que quand je suis dehors et quand je vais faire mes courses. Et puis, c'est tout. Mais vous avez l'air d'être sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Ah non, je ne suis sûre de rien. Si, puisque vous êtes prête à l'imposer aux autres pour dire qu'il faut porter son masque d'office quand on est dehors. Oui, ben moi je trouve que c'est... Oui. Mais donc vous voyez ce que je veux dire, on en dirait que vous avez compris comment ça marchait, tandis que moi... On m'a conditionnée peut-être à dire ça, peut-être. Non, je pense que c'est une barrière. Même quand on est malade, on porte un masque pour se protéger. Quand vous avez une maladie grave... Une maladie comment ? Comme une leucémie ou n'importe, les gens cancéreux, ils me portent un masque. Pour vous êtes d'accord qu'on n'est pas tous cancéreux et... Ah non, mais qu'est-ce que ça coûte de mettre un masque ? Ben moi, par exemple, j'ai pas la même vision parce que moi, ça me rassure justement qu'il y a des gens qui ne mettent pas des masques. Ah ben, ça me rassure. Oui. Ben, écoutez, je ne le mets que quand je vais dans les transports en commun, quand je vais faire mes courses dans les magasins. Et c'est tout. Quand je sais que la distanciation ne sera pas là, ici, je l'ai gardé parce que je dois l'enlever proprement, je suppose, je ne sais pas. Vous voyez, c'est pas si évident que ça non plus. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas évident, mais moi, je ne sais pas. Je crois quand même que... Quand je dis que c'est pas évident, ça veut dire qu'on se pose vraiment des questions, qu'on n'a pas forcément l'information, qu'on est plutôt informé comme des enfants, comme ça. On n'explique pas vraiment exactement. Enfin, voilà, ça, c'est flou quand même, non ? En général, je ne suis pas les règles. Hein. Je ne suis pas très règle. Mais celle-là, et les mains, etc., je fais quand même attention. On ne sait jamais. Donc, ce n'est quand même pas un drame de porter un masque de temps en temps, quand vous êtes dans un magasin, quand vous êtes pendant un moment. Et puis après... Voilà, mais je ne l'ai pas porté tout de suite non plus, et je l'ai porté, voilà, j'en ai, mais je n'ai pas porté ça tout de suite, et je suis quand même sortie, etc. aussi. Hein. Vous voulez dire que vous n'avez pas obéi tout de suite à ce qu'on vous demandait ? Non. C'est ça que vous voulez dire ? Ben, je n'ai pas obéi parce que... Mais j'ai quand même eu tout un masque. J'avais quand même un masque chez moi, tout, pour me prémunir et pour protéger les autres aussi. Parce que c'est une personne à risque, donc je dois faire très attention. Donc ça, pour moi, c'est important. Maintenant... Si quelqu'un ne veut pas mettre un masque, qu'il ne le mette pas, ce n'est pas un drame non plus. Hein. Je crois qu'il y en a qui n'en... Même si vous imposez, il y en a toujours qui n'en mettront pas. Voilà. Eh bien, merci à vous, alors. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez entendre. Mais, non, mais moi, je ne voulais rien entendre du tout. On fait croire souvent que je ne veux rien entendre du tout. J'écoute vraiment ce que vous êtes occupé à dire. Oui. Vous êtes occupé à dire, si je comprends bien... que vous optez pour le masque, que si vous aviez la possibilité de décider pour le monde, vous obligeriez les gens à mettre un masque. Tant qu'il y a l'épidémie, oui. Mais elle est où, l'épidémie ? Comment elle se... C'est ça que je veux dire. C'est que nous, vous et moi, voilà, on n'est pas plus au courant. Personne, j'en sais rien. Je ne voudrais pas l'imposer à tout le monde. Ça, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous l'avez dit, hein ? Je l'ai dit. Ben voilà, moi, je suis pour le masque depuis le départ, parce que c'est une barrière. Maintenant, on ne sait pas où il est le microbe, hein, ni vous, ni moi. Personne. Enfin, je crois qu'il y en a peut-être qui le savent. On sait qu'il se trouve un peu plus dans les hôpitaux qu'ici, peut-être sur un banc à discuter. On ne sait pas. J'espère, de tout cœur, que je me trompe. Hein. C'est tout. Vous avez peur de mourir, vous ? Non, j'ai peur de souffrir. Mais je n'ai pas peur de mourir. Non, mais j'ai quand même envie, bêtement. Parce qu'il y en a quand même. J'ai quand même des connaissances qui l'ont attrapé à la campagne. Le mari ne l'a pas attrapé, vous voyez. C'est quoi, des personnes âgées ? Non, enfin, âgées, plus de 60 ans, oui. Et qui l'ont attrapé comme ça, et qui en ont été bien salement rangés. Hein. Quand on l'attrape, c'est pas jojo. Hein. Et ça va, ils sont guéris maintenant ? Oui, mais après, même en restant à la maison, hein, tout doucement. Hein. Donc c'est pas jojo. Hein. Donc vaut mieux ne pas l'attraper si on peut. Voilà. Merci, mais je réagis aussi, quand je n'attends pas quelque chose de particulier de la part des gens. Vous voyez, il y a plein de gens qui disent leur avis, et moi justement, ça m'intéresse d'entendre tous ces avis différents. Vous comprenez ? Voilà, moi j'ai toujours été pour dès le départ, et voilà. Pour le port du masque. Oui, ce n'est quand même pas grave de porter un masque, hein, ça ne coûte rien, ça coûte que le masque, et voilà. Vous, Je me demande comme ça. Est-ce que vous devinez ma question ? C'est pour vis-à-vis du coronavirus. Bien vu. L'idée, c'était d'aborder les gens en posant la question masque ou pas masque. Je vois que toi, moi, je le fais tu n'as pas de masque. Bah si, j'ai ça moi. J'ai juste ça. Parce qu'en fait, le masque, ça me. Ça, c'est un. Comment dire, un sort de badana, oui. Voilà. Oui, bah en fait, je le mets parce que les masques, ça me gratte en fait la barbe. Ça le souci. Quoi, sinon, tu mettrais un masque ? Oui. Et comment est-ce que tu vois la chose ? Moi, je ne suis pas de la police, hein, donc je m'en fous complètement. C'est vraiment rencontrer les gens. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle du confinement, du déconfinement ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Alors, je sais que tu dois prendre ton train dans pas longtemps vers Liège, mais... Bah, en fait, comment je le vois, pour moi, c'est... Je sais qu'il y a un virus et tout, mais pour moi, je n'ai pas trop à m'en tracasser, quoi. C'est juste ça. Et comment ça se fait que tu ne t'en tracasses pas ? Alors que tu vois bien, hein, y a des gens, ils sont vachement le masque, ils sont... voilà. Je sais, mais c'est parce que bon, moi, j'ai pas peur. De toute façon, on meurt bien tous un jour, donc pour moi... Oui, mais t'es tout jeune. Oui, je sais. C'est loin de toi en même temps. Voilà, en même temps, je suis de loin, donc voilà. Donc là, tu te dis vraiment, c'est parce que j'ai pas peur de la mort. Voilà. Mais t'as entendu ce discours de dire, oui, ok, toi, t'as pas peur de la mort, mais transmettre la maladie à quelqu'un d'autre sans le savoir. Ça, oui, ça, je sais. Oui, mais moi, je trouve cette phrase compliquée. Hein, mais... Ouais, ben, c'est pareil pour moi, parce que, en fait, tant qu'on n'a pas été en contact avec une personne qui ne l'a pas, nous ne pouvons pas la voir et le transmettre à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, nous, on l'a déjà, mais il n'est pas développé. Donc, voilà. Et politiquement, tu vois la chose comment ? Oh, politique, je ne suis pas politique du tout. Tu te dis, c'est quoi ce corona ? Ça vient d'où ? Ça vient de Chine, pour moi, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, moi, j'écoute ce que les journaux disent. Et tu n'es pas plus renseigné que ça ? Non, pas plus du tout. Vraiment ? Ouais. Parce que je regarde pas souvent le journal, parce que j'ai plus d'autres choses à faire que ça. Donc, quoi, par exemple ? Travailler, et quand je rentre, je suis claqué, donc j'ai pas le temps de regarder le journal ou quoi, donc je vais dormir directement. Mais tu trouves pas que ce qui se passe, c'est quand même énorme ? Regarde là, masque. T'as pas plus envie de te poser des questions sur ce qui se passe ? Si, quand même, mais je le fais pas, parce que ça sert à rien d'aller chercher plus loin. C'est incroyable, ça. J'aimerais bien être comme toi, pas trop me poser de questions. Bah vaut mieux parce que se poser des questions ça sert à rien, alors vaut mieux laisser les choses faire et puis voilà. Bon bah ok, merci. De rien.